Wesh gros. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en mettre. Laurent Malouda. Salut Julien. Ça va bien les gars, la forme tranquille, ça se passe. Bien ou pas? Ça va Daniel? Un petit mail de Vladimir mon gars. Non, il faut qu'on récupère les auditeurs de banlieue hein, parce qu'on les a perdus, hein, je vous le dis tout de suite. Qui dit Kazar, il y a une particularité, c'est le seul chanteur qui te fait des parodies meilleures que les originaux. Ah c'est gentil, ah, c'est pas sympa. Vrai mais c'est sympa. Bien. Vraiment quoi. Non on peut pas faire mieux que Corinne Charby, Herbert Léonard quand même, arrêtez vos conneries. Corinne Charby, quel honneur. Hein tu sais que tu m'inquiètes un peu Fredo, parce que déjà t'es fan de Dalida, donc est-ce que t'es vraiment sûr que t'es hétéro? Ouais, a priori, ouais. T'es sûr? Mylène Farmer. Ratio ça, est ouais. Non, mais t'aimes bien Mylène Farmer, West Side Story, le jus de carottes bio, les fûts en cuir? T'aimes bien? Ouais. Ok, c'est bon, c'était juste pour savoir. C'était juste pour être sûr. Comme si tu savais pas. Non, toi, je suis obligé de faire semblant devant les gens. Tout ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu. Tu sais, tout ce qui est à Madrid, c'est comme Las Vegas. Ça reste à Madrid. On n'en parle pas. C'est vrai. Fifi, j'ai vu que dans l'avion. Ça reste à Las Vegas, ça reste à Madrid. Le problème, c'est que Fred, lui, il reste à Madrid tout le temps. C'est ça, Fred. Ouais. C'est tout ce qui est à Madrid reste avec Fred Armel. C'est le problème. Oui, c'est un very bad trip de 10 ans qu'il fait l'autre. C'est assez dingue. Quand il va se réveiller, ça va faire mal au cul. Hein. 18. Ouh, il fallait d'avoir 18 ans, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Fifi, donc il paraît que dans l'avion, tu demandes de tirer sur les autres passagers. Oui, apparemment. Demande... Ouais, donc dans l'avion, il y avait Ashley Cole, non? Et Mario Balotelli. Et Mario Balotelli, c'est le mec qui tape avec les fléchettes. Qui tire à la chevrotine et aux fléchettes. Donc t'as une très mauvaise influence. Et je vais demander à Polo. Polo, t'as dit que c'est à Schalke, tu dis qu'il y a deux plots au milieu. C'est ça que tu dis? Vas-y, oui. Ouais, je vais non mais c'est-à-dire c'est quoi que t'appelles deux plots au milieu? Bah c'est deux joueurs d'1m90 qui vont jouer à la Domenech sûrement demain. Est-ce que tu penses que ce serait pire que deux polos au milieu, c'est-à-dire 1m90 en cube. Est-ce que tu pour nos auditeurs? Mais non, Polo, tu es svelte, tu es magnifique, tu es superbe. T'es souvent loin de moi quand même à la soirée. Je me mets de l'autre côté de la table, hein, faut savoir, c'est une énorme table. C'est l'amour. C'est l'amour dans les fesses. Alors Didier toujours là ou Didier est parti? Il est parti. Didier nous a quitté, il s'est parmi hein, du ligament croisé antérieur postérieur et latéral. Et quand même Didier qui est le seul qui a une fonction iPhone où il reçoit en temps réel l'IRM du genou de Mexès. C'est même le genou de Philippe Mexès, il appelle directement pour lui dire qu'il s'est pété, des fois il m'a en double appel avec le fémur de Francesco Totti qui grince. C'est ça le double effet Didier Mingo. C'est quand même dommage d'être aussi pote avec des médecins et d'y connaître aussi peu en médecine. Mais bon, en même temps, voilà, quoi. Sinon, on peut pas tous... Il avait qu'à pas partir! Je suis très vexé, en plus je l'adore, Didier. Je sais pas pourquoi il est parti comme ça. D'habitude, il reste pour moi, pour me faire plaisir. Mais il a Milan, là. Ah oui, c'est vrai qu'il a Milan, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, Didier. Donc c'est les 5 ans de l'after, hein, l'after foot qui a commencé il y a 5 ans, qui a commencé avec un Lyon-Milan AC. Et ce soir, c'était un Nantes-Boulogne. Quelle belle progression de cette émission. Je pense que ça résume à peu près le chemin qui a été fait. Je pense non, que demain, il y a Ligue des Champions. C'est ouais. Non, mais je pense que dans, pour les 10 ans, on aura, je pense, un Paris FC Louan Cuiseau. Et pour les 20 ans, un Rennes-Toulouse. Je suis un peu salaud. On espère que d'ici là, ces clubs seront radiés. Alors, je parlais du Paris FC, évidemment. Hein, évidemment. On a un auditeur qui s'appelle Triantaphilos, hein, qui nous a dit que depuis l'after, depuis Riolo, il y a un nouveau ton à RMC. Alors, je trouve ça un petit peu dur pour Daniel. C'est vrai qu'il a pris un petit peu d'embonpoint, mais moi, je le trouve assez mignon avec ses petits bourrelets qui font ressortir de son jean, sa chemise bicolore, son gilet Eden Park. Tu vois, il a un petit côté négociant en vin d'Anjou. Tout, mais pas ça. Démocrate chrétien. Cette marque n'est pas pour moi. Non, tu m'as pris pour un rugbyman. Ouais, Ralph Lauren. Non, pas ça. Démocrate chrétien, c'est bon. Il y a un ça. Petit côté démocrate chrétien négociant en vin d'Anjou. Non, c'est vrai, moi j'aime bien. Ah là, c'est affreux ce qu'il est en train de me dire. Oh, Daniel. François Fillon, quoi. Ouais, non, voilà. Boutin. Rolex acier. Fillon n'a absolument pas Sosdem. Il a pas la vulgarité de la Breitling en or. Il a la Rolex acier, Daniel. Tu vois, ça, c'est la classe. Bon, allez, c'est bon, il avait dit, ouais, mais... Ça y est, c'est sa fête. Alors, Landro qui nous apprend en interview, c'est très intéressant qu'il y a un off et il y a un on en interview, c'est intéressant. Enfin, sauf pour Ribéry, lui en conf de presse, il est en off, hein, directement le cerveau est en off. On n'a toujours pas trouvé le bouton on depuis 10 ans. Je vous jure, quand on va le trouver, ça va faire un effet, hein, ça va faire bizarre. Et puis pour Marc Ambrosiano qui nous dit que Rennes a du mérite car ils n'ont pas d'attaquant valide. Je voudrais quand même lui rappeler que le PSG joue avec des invalides depuis à peu près un an et demi. Ils sont cinquièmes, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est quand même plutôt, c'est plutôt sympa. Renato Civelli, Renato Civelli. Ah, qui c'est a... notre pote. Hein. Ah, c'est notre. Ah bah oui, non, mais surtout que c'est devenu le Maradona de la Ligue 1. Exactement. On en manquait. C'est quand même le seul. C'est la main du gym. C'est la main du gym, la main de Dieu et la main de Dios. Il a un Argentin qui marque de la main, ça fait plaisir. Voilà. C'est... D'ailleurs, peut-être que lui aussi va finir sa carrière à Naples. Dans une trattoria, hein, il va découper les mortadelles. Faut pas rêver. Je l'ai vu jouer. Il peut pas non, faire ouais. Non, t'es saloque, notre ami Renato. Non, mais lui, ça lui ferait très plaisir. Lui, à deux trois coups de crampon, il te fait une super salade, un carpaccio de bœuf, magnifique. Hein. Vedran Rougneux, qui souffrait d'une béquille. Hein, c'est gênant une béquille. D'ailleurs, Ribéry disait quand il l'a appris, il a dit c'est vrai qu'une béquille pour jouer c'est gênant. Déjà quand on a deux, c'est hyper embêtant, voilà. Parce que lui, on en a eu deux pendant 15 jours. Il a essayé de jouer, c'est impossible. Ça fait super mal au coude. Bon, Vedran Rougneux, lui, avec une béquille, il a joué et il a encore fait une magnifique performance contre l'OM. Superbe but de Chiroux. Alors, il est bien sur ses appuis, hein, Rougneux. Il est tellement bien sur ses appuis qu'il en sort pas de ses appuis. Tu vois, il reste bien bloqué sur ses appuis. Et il faut lui dire que le foot, c'est pas le 1-2-3 soleil. C'est-à-dire quand le mec sort, t'as le droit de bouger. C'est-à-dire que lui, il voit que l'attaquant se retourne, hop, il bouge plus. Et là, il prend un but. Surtout qu'en plus, en face, c'était plutôt l'Olympique de Marel. C'est les mecs, ils balancent devant et ils vont à cloche-pied. C'est un autre jeu, hein. C'est un style. Ah bah oui. Non mais ils vont à cloche-pied. Mais ça marche, hein. Ça marche quand même. Hugo Lloris qui a poussé une gueulante. T'as vu, il a mué. C'était impressionnant. T'as vu, c'était génial. Ah, ce que je disais, il crie pas bien. Trois ans sans parler. Il s'énerve pas bien. Ah, y'en a marre! L'hystérique. C'est la folle des mentes. Tu sais, j'en peux plus, j'en ai marre. Le pauvre. Ah là là là là. C'est très bien ce qu'a fait Hugo. C'est très bien. Mais elle était en folie, là, Hugo. Elle était démente. Et donc, Lloris. Alors, Ibrahim, il gueulait parce qu'on a échangé la charnière crise Diakaté contre crise Donner, après crise d'angoisse, et après il y a eu crise financière. Je pense qu'en fait, le problème, c'est crise. Faut changer crise, parce que chaque fois qu'il y a crise, ça marche pas. Hein. Ah, puis alors, Monaco, Arles-Avignon, Lens. Voilà, j'ai pas plus drôle. Déjà, rien que les trois noms, je trouve qu'il y a pas mieux à dire. Je crois que tu peux pas faire une vanne après ça. Non, Monaco, alors pour Daniel, ils font du blanchiment en faisant venir Welcome, Diarra et Mazou. Non, j'ai pas dit. Franchement, est-ce que tu penses vraiment que ça blanchit l'équipe? Non, franchement, entre nous. Hein. Oh non. Daniel, arrête. De faire venir Mazou, Welcome et Oh. Oh, je te l'ai fait, c'est pour toi, Daniel, que je l'ai fait celle-là, c'est cadeau. Jean-Michel Aulas, et t'as vu Jean-Michel Aulas comment il s'est chauffé avec l'adjoint d'Éric Roy, on aurait dit Rocky, tu sais. Enfin, Rocket, parce que Jean-Michel Aulas, c'est plus Rocket, tu vois. C'est nez à nez, ça fait un peu, il essaie d'aboyer, mais sauf que lui, quand il fait Rocket, il a mis les mains dans les poches, voilà. Non, mais bien sûr, il a avancé, puis il a mis les mains dans les poches et il a bombé le torse et il a fait, bah, que t'as à me dire, toi? Bah, il a joué les shows. On aurait dit un peu Apollo Creed, tu vois. C'était, ah, il y avait un truc, c'était l'œil du tigre. Enfin, l'œil du chat. Enfin, l'œil du miaou. Et sauf que lui, il est pas coaché par Mickey, hein. Il doit être coaché par Dingo. Parce que vu la taille qu'il fait par rapport à la taille de l'autre, je pense qu'il faut être un peu Dingo pour lui dire d'aller se battre. Sinon, formidable Ligue 1, hein. 29e journée, 5 matchs nuls, 3-0-0, 2 victoires 1-0. C'est magnifique. Les buts en Ligue 1, c'est du caviar. C'est un peu comme des pépites d'or. Quand on trouve une, bah, tiens, c'est merveilleux. C'est rare. C'est tout ce qui est rare, c'est... Ouais, enfin bref. Donc je me dis que pour les constructions des nouveaux stades, j'espère que c'est comme chez France Télécom, ils ont prévu des fenêtres anti-suicide, hein, parce que sinon ça va être le SL à la fin de chaque match, hein. Sans les bagarres, hein, mais le bilan ça sera le même. Edel qui n'a pas joué parce qu'il avait de la fièvre. Alors il a voulu nous faire croire, tu sais, il avait de la température, il était malade, je sais pas quoi. Et il a essayé de faire croire à tout le monde qu'il avait 37, hein. Alors on lui a fait des analyses, en fait il avait 42. C'est comme pour son âge, tu sais, il a voulu faire croire à tout le monde qu'il avait 25 et après analyse il avait 42 aussi. Donc voilà, juste une dernière chose. Qu'est-ce que je... Oui, Adil Rami, hein. Avant les chansons. Oui, avant les chansons, une dernière chose. Adil Rami qui s'est blessé au vertèbre cervicale en faisant une bicyclette, hein. Mais on espère que c'est pas trop grave. D'ailleurs, Ribéry lui avait dit, t'es complètement con, faut jamais faire de la bicyclette sur un terrain pourri, surtout si t'as pas un VTT, parce qu'après tu te casses les vertèbres du cerveau. Et les vertèbres du cerveau, quand tu les as plus, ça fait des conférences de presse, comme Franck Ribéry. Alors, ça, c'est le problème, ça gêne. Alors, aujourd'hui, pour les chansons, j'ai une spéciale auditeur. Voilà, j'ai décidé, depuis le temps que les auditeurs m'envoient des chansons, de faire de leur rendre hommage. Alors, d'abord, une chanson de Philippe du Jura. Eh oui, on nous écoute dans le Jura. Je sais pas avec quoi il capte. J'espère qu'il a internet. Philippe du Jura qui nous envoie quoi, une chanson. Il y a la radio dans le Jura. Il y a de la radio dans le Jura? Il y a une radio de quoi? Du genou? Du fémur? Il y a une radio de quoi? Bah, écoute, je te crois. Moi, je ne capte rien. Quand je vais dans le Jura, je capte rien. Je capte des fromages, mais c'est dans le Jura, toi. Hein? Non, c'est vrai, j'ai jamais été dans le Jura, Gilbert, tu m'as eu. Alors, une chanson sur Edel. Attention, c'est sur quoi déjà? Ah oui, c'est ça. C'est sur Alain Souchon. 3, 4. J'ai 20 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 20 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 20 ans. Ça fait 35 ans que j'ai 20 ans. Ouais. Ça fait bizarre, mais, tarte, non, c'est pas. Si tu me crois pas, eh, viens me voir jouer au PSG. J'ai 20 ans. Je joue au football, franchement. Pareil que je suis goal doucement. Moi, je rigole sur le banc. Y a coupé pas de bol. Si tu me crois pas, eh, viens voir jouer le PSG. Le samedi, je me balade. Une paille dans mon verre de Sky. Je donne des ordres, même à Sylvain Armand. C'est lui qui nettoie mes gants. Je dis non. Je vis dans des sphères où les gardiens n'ont rien à faire. Je prends des buts. Ah oui, ça c'est clair, mais serein. Le coach me préfère. Si tu me crois pas, hey, demande à Grégory Coupé. Merci pour lui. Merci Philippe. Très bien. Voilà. Philippe Dujura, très belle très, chanson. Très bien, Philippe Dujura. On a une autre chanson très sympa sur Sami Traoré. Évidemment, les joueurs du PSG sont à l'honneur. pas au rugby, hein. Ils sont à l'honneur, pardon. Voilà une chanson sur Sami Traoré, alors d'un auditeur dont on n'a pas le nom. Malheureusement, il n'a pas laissé son nom. Mais c'est sur Daniel Balavoine, non? Voilà, sur Daniel Balavoine. Le chanteur. Je me présente, je m'appelle Sami. Je voudrais bien réussir à Paris, être aimé. Arrêtez de passer pour un gland. Je veux plus cirer le banc. Mais pour tout ça, il faudrait que je joue une mi-temps. Je suis défenseur, plutôt axe droit. Je veux mettre des putres, mais ça rentre pas. Et puis malheureusement pour moi, quand ça rentre, c'est chez Apoula. Voilà pourquoi au PSG je ne joue pas. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Qu'Antoine ne m'ignore plus, comme Papus Camara. Qu'il me fasse jouer à côté de Jallet. Qu'on s'arrache mon maillot, qu'on en fasse un trophée. Je veux que tous les tifos, d'habitude pour Néné, ne soient plus que pour moi. Et je l'aurais bien mérité. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, j'irai signer un contrat au FC Barcelone. Je flipperai mes yeux, je ferai mes adieux. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Pardon, excusez-moi, merci pour lui. Et une dernière sur Antonetti par notre ami le Mexicain, un ami à toi Daniel, ouais, hein, que tu m'as fait connaître, le Mexicain, une chanson sur Antonetti, sur France Gall. 3, 4. Me dites pas que ce garçon était sous. Il n'entraînait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, un coach qui pense autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Ne me dites pas que ce gros corse valait rien. Il s'est adapté au pays bigoudin. Et pour quelle raison bizarre, on n'aime pas ces gros catcheurs en rouge et noir. En rouge et noir. Il traîne le foot dans la boue. C'est peut-être un plaisir pour vous, mais pour nous ça mérite un coup. Ça veut dire qu'il était ivre, heureux d'être à Rennes malgré tout. Il traîne fou d'eau dans la boue quand les scribouillards sont à genoux et ses gros bras au garde à vous. Simplement les pieds carrés, c'est pour être solide, vous comprenez. Merci pour le suite.